Ah, tout ça pour ça. Bonjour les amis. Oh là. Bonjour la glavieuse. Victime d'un décès. Je crois que tu as un inuit mort dans la gorge, si tu peux le recracher. Alors, évidemment, vous allez me dire qu'on s'en branle et qu'on espère que cette chronique sera vite passée. Mais je vous le signale quand même, j'ai eu 35 ans cette semaine. Oh. Et ouais, pile poil l'âge du Christ, il a eu 35 ans. Non. Non. Au lieu de se faire défoncer comme une baltringue 2 ans plus tôt. Pardon, père Abbé, mais enfin voilà quoi. Je te pardonne. On n'est pas là pour dire du mal, mais enfin bon. Par contre, ces 35 ans, je les ai passés tout seul, loin des miens, dans une chambre d'hôtel morne et humide de Paris, à écrire les lignes que je suis en train de vous lire, en me posant la question que chacun d'entre nous devrait se poser avant de mettre un seul pied au boulot. Il était où, hein, le Yuki? Une fois que tu as répondu à ça, en rappelant que Richard Gottener a toute sa place sur les ondes courtes, tu peux te poser une autre question. Celle du sens profond de ta démarche professionnelle. En l'occurrence, à quoi bon fêter son anniversaire loin de chez soi, seul et triste, à torcher une énième chronique que Leïla Kadour Boudadi va écouter vaguement en regardant sur son portable si elle a reçu un texto de David Pujadas. C'est vrai, à quoi bon? Et encore, là, c'est quand elle est là. En fait, mais je suis là, je vous écoute, je suis juste concentré. Bonne vanne. En fait, les gens en Belgique, ils croient que j'ai une vie glamour, en fait. Les gens, ils s'imaginent que depuis que je suis sur France Inter, je fais des virées en boîte avec Nagui, à boire des kilomètres de coke avec ses copines mannequins et ses copains nains. Les gens me marrent, mais taper sur quelqu'un d'autre, je sais pas. Moi. Genre le truc qui arrivait, taper sur Leïla, elle est pas là, c'est plus facile. Genre le truc qui arrivait que 2 fois depuis que je suis dans l'équipe, quoi. Vraiment. Et évidemment, c'est qui a dû se taper les nains. Je vous le donne en 1000. Ben voilà. Le reste du temps, c'est très absurde et très solitaire mon métier. Le schéma est routinier. En gros, quel que soit mon degré d'inspiration, j'écris un texte, je le débiste, sur antenne et j'en veux d'avoir. Je le débiste. C'est du belge. C'est du belge. Je vais débister. Non, mais c'est pas comme si vous connaissez pas. Qui débiste. Je vais refaire cette phrase à la forme de l'art. Tu peux refaire la chronique. Donc je dis, je débite mon texte sur antenne, voilà, et après je m'en veux d'avoir été moyen. Ensuite, j'ai réécoute les chroniques de Daniel Morin, alors ça me console. Mais ça ne suffit pas. Franchement, parfois j'ai l'impression d'être une espèce de croisement entre Sisyphe et un hamster, quoi. Et sans vouloir être graphique, le dernier hamster qui a essayé de porter un rocher, il a marché beaucoup moins bien les 2 semaines qui ont suivi. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, arrête de plaindre, d'être toujours plus malheureux que soi et tout. Pense aux enfants d'Alep, à Mathieu Delormeau, on est cerné par les injustices. Et puis, si t'es insatisfait de ton sort, retourne dans ton pays d'attardé et laisse la place à un vrai Français, pas vrai, Maréchal? Affirmatif. On est bien d'accord, je le sais. Alors, la question du sens de ce que je fais, de mon utilité sociale, je me la pose tous les jours avant de manger mes œufs. Je vous conseille à ce titre l'excellent livre. Tu es très souple. Je vous conseille, donc vous avez décidé de saboter en fait l'entièreté de mon travail. J'ai mis des heures à écrire sur ce truc, hein. Le jour de mon anniversaire, je vous rappelle. Donc, je vous conseille. T'aurais dû le relire quand même. Pas faux. Je vous conseille à ce titre l'excellent livre Boulot de merde d'Olivier Siran et Julien Brigot qui vient de sortir. Un ouvrage absolument captivant que j'espère avoir un jour l'occasion de lire et dans lequel les deux journalistes. Oui, il n'y a pas de raison qu'il y ait que Nagui qui ait le droit de parler des livres qu'il n'a jamais lus. Mais arrête! Et puis, qui a le temps de lire un livre en 2016? Il l'a dit. C'est vrai, si tu lis un livre, tu fais comment pour aller sur Facebook voir ce que les gens que tu connais pas pensent de gens que tu connais encore moins? Vous avez vu, CQFD, dénonciation intense des réseaux sociaux ici, attaque au vitriol contre l'inintérêt de Facebook, tac la hauteur des amygdales de Mark Zuckerberg. Ah, il y a encore des gens qui ont les couilles en leur place, prends ça Benabar. Et encore, c'est parce que j'ai pas trouvé de lien avec Nathalie Morano, sinon il y avait une vanne de malade qui fusait sans tabou, sans concession. Elle est là ma valeur sociale ajoutée. Eh oui, oser dire des choses qui dérangent, aller sur des terrains où personne ne m'attend. Je suis le Jean-Frédéric Poisson de cette équipe. À ce sujet. 0, combien? Je sais pas. 1,5. Ça va durer 17 minutes cette chronique. À ce sujet, l'anthropologue David Graber se demandait déjà en 2013 dans l'incontournable Bullshit Job, ce fameux livre qu'on me conseille partout de vous conseiller, si le monde souffrirait vraiment de la disparition des directeurs généraux d'entreprise, des lobbyistes, des télémarketeurs ou encore des huissiers de justice. Alors question, chroniqueur boiteux à ambition comique non évidente, ça se situe où dans la société par rapport à éboueurs, institutrices ou infirmiers? Je veux dire, si je mourais maintenant, genre foudroyé dans l'heure par un sida qui a mal tourné ou, par une attaque de nain cocaïnophile, est-ce que la société se porterait moins bien? Non. Voilà, mais c'est précisément parce que j'ai la réponse à cette question que je préfère me demander prioritairement, il est où, hein, le Yuki? Allez, bonne émission. Merci. Nagui, la bande originale.